êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bon matin, salut, hey, salut. Bon matin, bienvenue à Sommage Record ce mardi 4 décembre 2012, il est 7h03, et moi c'est Mathieu Plante. François, Olivier Marchand, une aussi bonne journée que moi sûrement, donc viens de s'en voir à l'extérieur du studio. Hey, attendez, moi, je vais aller le chercher, ok? Alors, regardez bien ça, je vole. Hey! Salut! Ça va, François? Ça va bien. J'ai oublié mes écouteurs. Ben oui. J'ai été les chercher en courant, puis là, en fait, la porte était comme barrée. Je vais l'air débarrer. Ouais, va débarrer la porte. Je te le temps. Hey. Wow. T'as fait. Wow. Ça, c'est de la radio-réalité. Ben, c'est ça, hein. Le Love Story. Je sais même pas c'est quoi. Love Story. J'ai jamais écouté Love Story. Je veux faire l'imitation de Love Story, mais je connais tellement pas ça. Hey, ça commence bien. Ben oui, ça commence bien. Comme ça, non, c'est pas une bonne journée pour Mathieu Plante aujourd'hui. Bon, non, 4 c'est... décembre, c'est pas reconnu internationalement comme étant ta journée. Officiellement, mon commentaire est mais. Mais. Ben ça. Tu sais, c'est de même. Toi, ça va? Ah bien. Bon, pas mal de ça. Hey, on a une belle émission aujourd'hui, par contre, pour nos petits requins. Donc, je pense qu'ils vont apprécier particulièrement l'émission d'aujourd'hui. On va avoir nos, en fait, deux de nos trois chroniqueurs du mardi. On va commencer ça à 7h30 avec Maxime Tanguay et sa chronique. C'est qui déjà ce Ben-là? J'en ai aucune idée. Aucune idée. Ensuite, à 8h, on parlera de justice. Oui, du côté juridique de la Terre. Hein? Oh, oui, c'est bien connu. Le juridic side of the moon, comme dirait Pink Floyd. C'est exactement ça. Avec Michel Lebrun. Oui. Et puis, écoute, en début d'émission, on va recevoir François Desaulniers. Mm-hmm. Il va nous parler de son spectacle « Qui s'en vient ». C'est un auteur, compositeur, interprète. Il va être à Trois-Rivières dans les prochains jours. Donc, on va lui en parler tout à l'heure. David Ferron n'est pas avec nous aujourd'hui. Par contre, pour compenser ce manque flagrant de David Ferron, on va voir la chronique « C'est un fait, Kinky, c'est que c'est Time Edition ». Oh, oh! Mais on va commencer en musique, tiens, avec une pièce qui débute bien l'émission parce qu'elle est calme. On peut pas vraiment la jouer ailleurs dans l'émission qu'au début, je te dirais. Donc voici Smoke and Jackal, Fall Around, à son la jockey, sur C'est fou. Yeah. Yes, yet again, the Grizzly Bear à Assemblage Requis, 7h14. François Marchand, Mathieu Plante, assemblagerequis.com, hein? C'est ça? Ben oui, mardi 4 décembre. Oui, 2012. On devrait se faire une adresse courriel comme ça, François Olivier et Mathieu Plante, assemblagerequis.com. Mardi 4 décembre, ouais, ouais. 2012. On la change à chaque jour. C'est de même, c'est le fun. Il y en a plein d'adresses courriel sur Internet. Donc, on reçoit en studio un invité spécial, François, un auteur-compositeur-interprète. Oui, certainement, Monsieur François Desauniers, bon matin. Allô? Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Très bien, merci. Donc, François Desaulniers, en fait, artiste de la région, oui, hein, si on peut le mentionner, ah oui, qui vient de sortir un album. Est-ce qu'il est sorti ou... Ben, c'est ça, c'est parce que sur mon Bandcamp, c'est marqué le 6, là. Ben, en fait, je fais le lancement demain, donc, mais on peut déjà l'acheter, là. Il va être chez Archambault à partir d'aujourd'hui. OK. Puis, on peut le faire venir aussi sur mon Bandcamp, là. OK, donc, on est en primeur ici, matin, là. Hey, on pas à peu près. Premier, c'est la nouvelle, c'est rare qu'on peut dire ça, mais... Hey, tu voulais des questions, tu sais, saugrenues originales de ma part, tu sais, je sais que tu t'attends à ça. C'est quoi, c'est un onien, tu sais? Un quoi? Des onies. Ah, des onies. C'est quoi en un onie? En fait, un onie. Ouais, ben, ouais. Un aune, c'est un arbre. Ah. Puis un onie, c'est comme une zone où il y a plein d'arbres de même, là. Mais j'ai bien de la misère avec mon nom. Tu vois, je pensais vraiment pas qu'il s'arrête. C'est sûr, je peux pas faire une carrière aux États-Unis parce que des onies, ça se fait tout de suite massacrer. C'est pas worldwide, ben. Il va falloir que tu changes de nom. Tout à fait. Frankie Dez. Bon. Je t'en sors un. Parfait. Gratuit. D'ailleurs, je pense mettre des collants sur mes albums là, pour demain. Là. Oui, pour le nom en anglais. Moi, je le change tout de suite. Hey. C'est là que ça se passe. Hey, écoute, le titre de l'album est intéressant. En fait, c'est « Mais qui est donc? » Puis après ça, en fait, là, François Desaulniers. C'est ça, mais qui est... Mais en fait, c'est pire que ça. OK. Je dois vous avouer une chose, je vais te dire peut-être rien qu'ici. C'est que, donc, l'album s'appelle « Mais qui est donc François Desaulniers? » Parce que, bon, je suis pas connu, même si ça fait un petit bout de temps que je travaille en chanson. Et c'est... Le vrai titre, ça devrait être « Mais qui est donc François Desaulniers 2? » Parce qu'il y a eu un autre CD qui s'appelait comme ça avant? Tout à fait. Ah, ouais? Donc, c'est okay. Une démarche d'humilité. Ouais. Ben non, mais c'est un démo que j'avais sorti. Donc, qui s'appelait comme ça, je trouvais ça drôle. Oui, en fait, c'est très bien. En fait, c'est comme accrocheur, puis t'as le goût. C'est vrai, tu sais. Mais qui est François Desaulniers? T'as le goût de l'écouter. Fait que sinon, ça, c'est très cool. On dit album cartonné fait avec amour au Québec. C'est-à-dire hein. Oui. Odeur de neuf inclus sur ton, ton Bandcamp. Mais il est disponible en MP3 quand même. Et t'offres les pochettes avant et arrière sur ton Bandcamp pour pouvoir vraiment télécharger la copie à 7$. C'est ça? Ouais, j'étais un peu là-dessus de la vieille école. Ouais. J'aime l'objet. T'sais, je sais que c'est pas un vinyle encore, mais moi, j'ai travaillé sur le graphisme de ça. Ouais. Je travaille pour une maison d'édition qui travaille se spécialise en art visuel. Puis, tu sais, on fait des produits. Puis, j'aime l'objet encore. T'sais. Donc, on peut les télécharger numériquement. Puis, je pense que c'est vraiment pas plus cher. Puis, je vous envoie le disque aussi. Là, okay. Donc, moi, j'aime bien encore avoir ça. Puis dans la voiture, c'est fun d'avoir le CD. Mais est-ce que tu es sur Bandcamp juste parce que c'est un petit peu comme obligatoire de nos jours d'être sur Bandcamp? Si tu avais à choisir vraiment à être sur Internet, oui ou pas? Ben non, j'aime ça. Moi, je suis pas très réseau social, mais sinon, le modèle de distribution d'Internet, je le trouve vraiment intéressant. On peut, tu sais, c'est qui donc ça? Mais qui est donc François Desaulniers? On va voir, on l'entend. Bon, est-ce que j'aime ça? Est-ce que c'est pour moi? Donc ça, c'est extraordinaire, là. Mais je suis un peu quand même vieille école, oui, c'est vrai, là. Mais Bandcamp, c'est vraiment bien fait, à part qu'il y a beaucoup d'anglais sur le site, là. Ouais, c'est malheureux. Mais un jour, peut-être, hein? Ça va être comment? Peut-être qu'ils vont traduire ça en français, tu sais, avec les lois de commerce, tu sais. Hein? La loi 101. C'est ça, quand de groupe? Groupe de quand? Ah ouais, c'est ça. Oh. Laisse faire. Hey, écoute, tu parlais qu'il n'était pas en vinyle. Est-ce que c'est un projet que tu aimerais? Ben, c'est sûr que, tu sais, là-dessus, là, cet album-là, on l'a vraiment travaillé pour créer quelque chose de chaud puis de dynamique. Okay. Tu sais, c'est pas un disque qui est, quand on a fait le mixage puis le mastering, qui est très compressé. On voulait que ça respire. Puis le vinyle, c'est une belle plateforme pour ça, tu sais. Mais non, l'objet, c'est vraiment un CD. Là. Il va vivre comme ça. Ça, c'est un autre album de 5 pièces. Là, qui avait déjà eu un démo et ça, c'est ton premier EP. Oui. Est-ce qu'il va y avoir un album complet qui va s'en venir avec, avec ces pièces-là ou d'autres? Pour moi, c'est ma porte d'entrée, ouais. Ça. Je me dis, si on aime ça, s'il y a de la demande, ben on file vers un album. Mm-hmm. Si on parle du spectacle maintenant, j'ai lu que ça t'arrivait de créer des chansons devant public comme ça. Qu'est-ce qui t'inspire pour créer des chansons devant public? Ben, je travaille vraiment avec le monde. Je lance une phrase, les gens m'en lancent une autre. Et puis, mettons, je prends le nom des personnes. Annie, ben, un A, c'est un La. Michel, M, bon, on rajoute un mineur. Je prends 3 accords. Tu sais, une toune, c'est 3 accords, hein, des fois, souvent, ce qu'on entend. Donc, 3 accords, on part les paroles, puis paf, je la chante tout de suite en direct avec mes musiciens. C'est cool. Ben justement, est-ce que tu vas être avec tes musiciens lors du spectacle qui s'en vient? Je sais que tu fais des spectacles solo, des spectacles avec des musiciens. Oui. Je travaille plusieurs formules. C'est important de pouvoir faire ça en solo ou bien avec plusieurs musiciens. Mais là, ce soir, j'ai d'excellents musiciens. Je vais avoir justement Sylvain Jalbert à la batterie. C'est un batteur de jazz dangereux. Il est vraiment bon. Il a un petit kit, là, mais c'est incroyable là, ce qu'il fait avec ça. Il y a Ian Peterson, gros bassiste de la région. Et Jean-Loup de Carufel aux guitares, guitare acoustique, guitare électrique, qui c'est vraiment à découvrir, là, Jean-Loup. Là, c'est quelque chose. Là. OK. Parler du spectacle de ce soir. Oui. Y a-tu un spectacle ce soir? Pas ce soir, en fait. OK, de jeudi. Hey, ça y est, hein? C'est dans mon salon, moi, qui répète. Là. En fait, on a une répétition tout à l'heure, là, mais okay. C'est pour le 6, là. Okay. Et en fait, tes musiciens ont participé aussi pour enregistrer l'album? Oui, puis c'est pas... En fait, il y a deux autres musiciens sur ce disque-là. C'est Jean-François Martel, le contrebassiste, qui a travaillé avec René Lucier, avec Bory, qui m'a aidé un peu à la réalisation aussi. Au mixage, et il y a Martin Bournival qui joue du Hammond. Mais tu sais, là, de l'orgue B3, là, je suis allé chez lui enregistrer un vieil orgue 1962, tu sais, le Leslie, l'espèce d'haut-parleur qui tourne, là. Donc vraiment aller chercher les textures de tout ça, okay. Puis c'est un excellent organiste, là. Il est vraiment bon, ce musicien aussi. OK, formidable. Écoute, combien ça coûte ton spectacle de jeudi? Le spectacle, c'est 18$. Okay. Puis l'album va être en vente à 5$. OK. Donc c'est ça, c'est vraiment... Puis tu sais, on peut toujours l'acheter par après ou bien l'écouter en ligne. C'est vraiment le contraire d'un lancement. D'habitude, d'un lancement, on fait 4-5 tunes, puis on lance un album qui en a... c'est ça, on un album de 15 tunes. Donc là, c'est le contraire. Okay. C'est vraiment, on fait une quinzaine de tunes et puis l'album en a 5. OK. Contraire d'un lancement, est-ce que c'est une réception? Mettons, tu lances, tu reçois... Ah. Ou est-ce que c'est un enterrement? Est-ce qu'on s'habille en noir? Ça n'est pas en noir. Ah ben, non. Je vais porter un peu de noir, mais écoute, moi, je suis preneur parce que je pense que c'est ça, c'est un spectacle lancement, on va dire. Là. Mais c'est ça, mes musiciens m'ont dit, ben voyons donc, comment ça se fait qu'on fait un show complet? J'ai dit, non, c'est... Tant qu'à faire un. Ah non, c'est ça. C'est vraiment, puis c'est le fun, ces musiciens-là sont bons, puis on fait beaucoup d'impro, d'improvisation. Okay. C'est des jazzmen de formation, donc moi, j'aime bien ça, laisser la place aux musiciens. Puis les chansons sont différentes. À mon goût, à moi, j'aime pas ça quand un show sonne comme trop le pareil. Disque. Mm-hmm. Tu sais, ouais. Écoutons-le chez nous. Il faut qu'il se passe de quoi sur scène, puis j'aime beaucoup interagir avec le monde, intégrer les gens dans le spectacle, justement. Et ça, c'est très important pour moi. Puis, encore là, écouter les musiciens, c'est un... En tout cas, pour moi, c'est un privilège d'être sur scène avec des musiciens comme ça. Là, c'est tellement agréable. Là. Mm-hmm. Et tes influences, si on revient un peu, en fait, côté création, tes influences, ça peut... Il y a beaucoup d'affaires que j'aime, qui, tu sais, des fois on aime tel genre, mais ça, on sonne pas comme ça tout à fait là. Mais j'écoute beaucoup la musique indépendante tout ça. Mais tu sais, sur l'album, la première tune est un peu une espèce de rock un peu plus progressif, acoustique. La deuxième c'est un blues à la Tom Waits un peu. J'ai un petit folk pour ma troisième tune. Puis la quatrième c'est une espèce de rumba. Avec des accents twang, puis un peu surf. Et puis la dernière, ben c'est un espèce de blues apocalyptique. Là, avec, mais tu sais, c'est de la chanson, mais avec avec la batterie, des arrangements là, le solide, là, avec beaucoup de texture. Là. Mmh. Puis si, mettons, on avait à te demander, parmi les cinq, laquelle t'aimerais le plus qu'on ait entendre là, mettons là? Ben, j'aimerais ça qu'on écoute le bout de feu. Je sais pas si on peut, mais 4 on minutes, peut là. Tout écouter ici. C'est ça l'affaire. Écoute, on peut même en faire jouer deux. Ouais, mais on est déjà une matin. Courte en plus. Là, ah, cool. Okay. Le bout de feu puis le jogger de l'apocalypse, là, ça serait. Est-ce que tu veux nous parler des deux avant qu'on les joue? Oui, ben le bout de feu, c'est ça, c'est une chanson un peu à la. Moi, j'aime bien Plants and Animals, le Park Avenue, cet album-là. Ben, tu sais, ils font beaucoup de chansons progressives et il y a un petit peu de cette couleur-là là-dedans. Et c'était bien important d'avoir la contrebasse aussi, puis ce que fait Sylvain Jalbert à la batterie aussi. Là, moi, je trouve ça extraordinaire. Là, on voulait vraiment quelque chose qui soit différent, qui bouge pas mal, qu'on déconstruise un peu. Puis c'est un... Il n'y a pas beaucoup de texte. C'est une chanson très atmosphérique aussi. Donc, c'est le bout de feu, c'est la personne qui parle la mèche pour la dynamite. Là. Comme moi, mettons, en train de peser sur le bouton pour la faire jouer, mettons, ce serait comme... Ça te décrirait bien. Exactement. Et wow. Alors, écoute ça, on en reparle après. François Desaunier, Assemblage Rock. Comme un pétard à mèche dans une bouteille qui explose en particules fines de poudre et de papier qui s'assemblent ensemble en nuages, âges, âges. Referme le bouchon sur la tempête qui vibre dans le verre. Car elle gronde et se charge d'éclairs. Là-bas, au plus profond de toi. Sans savoir ce qu'il y a devant, dans les braises encore chaudes de ton cœur de bois, qui s'enflamme, âme, âme, loin de moi, âme, âme. Le vent souffle fort, le vent souffle, le chaud et le froid. Sur les chemins de terre qui tremblent sous mes pas. Pièce Le Bout de Feu à Assemblage Rock. C'était François Desaunier qui est toujours avec nous en studio. Ouais. Ça va toujours. Ouais, c'est ça. Alors, on va entendre une dernière pièce. En fait, la dernière de ton maxi. Est-ce qu'on peut appeler ça un maxi si c'est un album de 5 pièces? Oui, tout à fait. C'est un maxi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du jogger de l'apocalypse? Ben, c'est un espèce de personnage qui m'est venu comme ça. On connaît bien les cavaliers de l'apocalypse. Mais je me disais, qu'est-ce que ça pourrait être la version moderne de tout ça? Ben pourquoi pas un jogger? Il y a moins de monde à cheval quand même. C'est un peu plus rare, tu sais. Effectivement, même si je viens de Saint-Tite, là, je vois moins ça souvent. T'sais. Et puis, j'imaginais cette espèce de personnage-là, justement, avec des espèces de pieds géants là, qui se promenaient là, dans le paysage. Donc, cette histoire-là est née de ça. Et on a eu vraiment du fun en studio à l'enregistrer avec les musiciens. Là, on s'est lâché lousse. On va écouter ça dans quelques secondes. Avant ça, on va rappeler le spectacle et l'album, François. Oui, exactement. En fait, l'album est disponible du côté de Archambault. Oui. À partir d'aujourd'hui? Aujourd'hui ou demain. OK, donc on va dire demain pour être sûr. Oui, c'est ça. OK, à partir de demain. Et sur Bandcamp, il est disponible maintenant, oui. Évidemment. Donc, on pourrait appeler l'adresse. C'est françoisdesaulniers.bandcamp.com, évidemment, pas d'accent. Oui, puis vous pouvez faire françoisdesaulniers.net aussi oui. Sur mon site web qui okay. Vous renvoie là... Il y a des compléments d'information là aussi. Il y a des dessins faits par toi en plus. C'est cool. Ben oui. C'est vrai, c'est le même, c'est le fun. Donc, françoisdesaulniers.net, c'est l'adresse. Et puis le spectacle, encore une fois, c'est demain à la salle Louis-Philippe Poisson. Non, c'est jeudi. Jeudi. Hey, je te dis oui. Tu me dis demain, puis je te fais oui de la tête. Tu dis aujourd'hui dans ton truc, c'est un peu bien mieux. Là. Franchement, on est mêlés. J'ai engagé quelqu'un pour faire mon cuillère. Parce que... La date, on va dire la date. 6 décembre. 6 décembre, jeudi. Soyez là le 6 décembre à 20h. Ça va vraiment être le fun. À la salle Louis-Philippe Poisson, bloup-bloup de 18$, évidemment. Tu fais ton bloup-bloup habituel. Faut dire bloup-bloup quand tu dis Louis-Philippe Poisson dorénavant. Juste... Ah oui! Comme ça, ça va tout le temps te rappeler moi, puis tu vas faire comme ah, Mathieu Blanc. Je vais dire ça dans toutes mes autres entrevues. Bloup-bloup. Fais pas ça, s'il te plaît. Et si tu le fais, tu me crées ça. Donc, la pièce, le jogger de l'apocalypse, François Desaulniers, merci beaucoup. Merci. Merci, hein? Merci. Bonne fin de journée. Le jogger de l'apocalypse laisse derrière son passage des empreintes fumantes dans le béton fondu des trottoirs. Ses semelles de fer claquent comme celles d'un cheval aussi lourd qu'une montagne, aussi pesant qu'un regret. Courez tous aux abris, ça sent la fin du monde. Le jogger de l'apocalypse passe dans ta rue en faisant trembler les gouttières, se tordre les lampadaires. Les devantures lustrées des magasins éclatent en mâchoires de vide brisées comme des brochets enragés. Courez tous aux abris, ça sent la fin du monde. Il écoute du Wagner et du Godspeed du Black Emperor sur un gramophone monté dans un engin à vapeur qui crache la boucane du charbon de sa chaudière dans le ciel étonné qui se couvre de poussière. Courez tous aux abris, ça sent la fin du monde. L'apocalypse a les yeux bandés par un lambeau arraché dans un pavillon noir. Il quitte la route pour descendre vers la forêt, embrasé aussitôt par son haleine incendiaire. Courez tous aux abris, ça sent la fin du monde. Le jogger de l'apocalypse s'est fait dépenser par une joggeuse rousse dans un sillon de fumée. La fin des temps devra attendre un moment que le diable les rattrape. Mais en attendant, sortez tous des abris, ça sent la fin de l'histoire. Au retour, on parle de musique indie avec Maxime Tanguay à Assemblage Rocky. Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage Rocky. Toujours à Assemblage Rocky, présenté par le service aux étudiants de l'UQTR, SAE, et accent aigu. Hey, ouais. Ça arrive. Si on veut, je t'ai même pas ouvert le bon micro débutant. Allô? Allô? Ben, c'est Tanguy! Hey! Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va bien. Super. Oui, oui. T'es beau un matin. Hey, mais moins que vous autres, honnêtement. Là. Non. Wow. Ah non, non, mais je veux dire, moi, j'ai... Ben, prends le compliment, François, viens. Oui, mais... C'est non, mais c'est pas vrai, tu exagères la face. Ah non, mais vous, vous êtes rayonnant. Moi, je dégage encore le gars qui s'est couché à 1h du matin. T'es écouté un petit peu, ça. Ouais, ça, c'est... Ça marque de commerce. Ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai pas... C'est ce qui fait son charme. Je suis scanné avec mon peigne il y a à peu près 5 ans, puis... C'est jamais revenu. Je t'ai jamais pardonné. Ah, c'est triste à voir. Ah, aujourd'hui, tu nous parles d'un groupe qui s'appelle Portugal The Man. Ben oui. Donc, je pense que c'est nécessaire de te faire dire le titre de ta chronique. Quand, comment, François, en tant que... Qu'un Portugais. Ah, OK. Ah, si bol. C'était ça? Ouais, c'était ça. T'as un peu... Et qu'est-ce que c'est, ces man-là? Oui, j'en ai aucune dire. Ah, oh, ouais, oh, ouais. J'ai vraiment aucune idée comment ça sonne. Hey, hey! J'irai faire un tour au Brésil, vraiment, pour apprendre... pas au Portugal, au Brésil. Pour la prochaine fois qu'on te demandera de dire ton titre en tant que Portugais. Oui, exactement. Pour la deuxième fois que je vais vous présenter ce groupe-là, je serai prêt. Ah, d'accord. Des fois, on oublie ce qu'on présente dans l'émission. Hein? Oui, c'est ça. Mais non, je le note parce que ce serait vraiment mon genre. Comme le pire, ce matin, je me suis levé en disant, ah, tiens, je pourrais leur présenter Heels. Tu l'as fait la semaine passée. Oui, c'est vraiment... Ça, c'est dans la seconde. Date, hein? C'est dans la seconde, tu l'oublies tout de suite. C'est comme t'as pas de buffer. Non, c'est ça. C'est moi en RAM manquante. Pas tout. J'ai pas ça, moi. Non. Donc, Portugal The Man. Oui, groupe qui, comme son nom l'indique, vient d'Alaska. Et qui vient en fait plus précisément de la ville de Wasilla, en Alaska. Hey, pas Sarah Palin. Hein? Puis là, tout le monde parle en même temps. Sarah Palin. Sarah Palin. Ce qu'elle a fait, là. C'est ça, Wasilla, en Alaska. C'est là, Sarah Palin. C'est qui, ça? Non, c'est farce. Non, mais je sais pas. C'est sincère. Peut-être. Moi, je peux vous dire que Wasilla, c'est en banlieue de Anchorage parce qu'il n'y a rien d'autre autour autre qu'autour d'Anchorage, je pense, en Alaska. Mais étant la capitale, Anchorage. D'où vient Scott Gomez? Bon, tout le monde Scott connaît. Gomez. Scott Gomez. Il est d'Alaska, lui? Bien sûr. C'est un Américo. Attends un petit peu. Il y a des origines mexicaines, mais il vient des États-Unis en Alaska, en tout cas. Ouais. Et, ça prend plein d'affaires à matin. Sarah Palin, ça a été la mairesse de Wasilla en Alaska entre 1996 et 2002. Voilà. Ah ben, Colin. Ah. On apprend des choses. Il vient du monde bizarre d'Alaska. Ouais. Dont un Portugais. Dont un Portugais. Portugal The Man. D'ailleurs, non, que j'ai aucune idée qu'est-ce que veut dire le nom. J'ai jamais trouvé la signification derrière ce nom-là. Mais ça nous laisse place à imaginer ce qu'on veut. Donc un groupe fondé en 2004 qui, en fait, est fondé des membres du groupe Anatomy of a Ghost, qui étaient aussi des gens d'Alaska, mais basés à Seattle. Et heureusement que ce groupe-là est mort, parce qu'honnêtement, c'était pénible. Ils ont un album, j'ai écouté quelques extraits, parce que j'ai été étonné d'apprendre qu'en fait, que ces gars-là avaient fait autre chose avant Portugal The Man. C'est une sorte de screamo-emo vraiment pas bon. Vraiment, vraiment pas bon. Je suis content que ça allait bien tourner pour eux autres. Vraiment, j'ai pas reconnu. À ce point-là, ouais. Ah, j'ai pas reconnu. Puis, surtout que Portugal, c'est pas du tout du screamo-emo. On est loin de ça. Okay. C'est complètement autre chose. Fait que on reconnaît un peu la voix du chanteur, c'est-à-dire John Baldwin Gourley. Mais autre que ça, là, on entend le back vocal qui scream, mais c'est pas bon. C'est horrible. Bref, bravo pour avoir changé. Ça pour dire, donc, Portugal The Man, un groupe de musique rock, indie, un peu pop, parfois, assez souvent psychédélique. Et eux, leur particularité, c'est qu'ils ont des mélodies accrocheuses. Ils te produisent des vers d'oreilles à plus finir. C'est incroyable. D'ailleurs, j'en ai eu, depuis que j'ai écrit ma chronique, j'ai du Portugal The Man dans la tête sans arrêt. Non, ben, j'adore ton donc, j'adore ce groupe-là, vraiment. C'est un groupe léger qui est accessible pour tous. C'est ça qui est le fun. Pour autant que t'aimes la voix, justement, de Gourley, qui est une voix un peu particulière, une petite voix un peu particulière, souvent. Toi, c'est souvent de la musique à voix que tu me suggères. Oui. Tu as un commentaire sur la voix. C'est ce qui est important pour toi, je pense. Ça vient beaucoup me chercher, ouais. La voix. Étonnamment, je suis pas quelqu'un qui est porté à écouter les paroles, mais la voix est très importante parce que c'est ce qui transmet l'émotion principale, normalement. T'sais. Et j'aime beaucoup les voix particulières. J'aime pas ça, les voix faites sur mesure, comme on voit dans certaines très bonnes émissions à la télévision. Moi, je suis content. Je préfère quelqu'un qui a vraiment un message à passer puis qui, à la limite, a une voix moins efficace, un peu comme on parlait hier de And You Will Know Us by the Trail of Dead, que le chanteur n'a pas une voix excellente, mais que c'est quand même lui l'image du groupe et que c'est, le message passe par lui. Donc, moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant que quelqu'un qui est monté pièce sur pièce pour pouvoir bien chanter, mais que finalement, tu sens rien là, en bout de ligne. Ouais. Je trouve ça un petit peu fatigant. Bref, tout ça pour dire que c'est un groupe, donc, à leur début, qui ont migré vers le sud parce qu'en Alaska, il se passe pas grand-chose. Il fait froid. Puis il fait froid, mais c'est, bon, c'est ça. Et donc, il y a... Bon, y a d'autres choses avec l'Alaska, un peu? Mais j'adore, en fait. Il y a des volcans, il y a un arc volcanique, mais ça, c'est en tout cas. Ça, c'est mon bac qui me fait dire ouais, ça. Ouais, c'est ça. Donc, après un premier album, donc ils ont décidé de... Après leurs deux premiers albums, ils ont décidé d'aller indépendant puis de commencer à travailler sur des projets, sur des albums avec leur étiquette personnelle, ce qui est intéressant. Et finalement, ils ont fini par signer avec Atlantic, donc ils se sont promenés un peu partout. Mais leur musique a jamais été influencée par l'étiquette. Fait que ça, c'est le fun. C'est un groupe, comme je vous ai dit, qui construit des petites chansons, qui a un format de chanson quand même pas répétitif, mais... Couplet-refrain, couplet... Oui, c'est ça, tu sais, qu'on s'attend... c'est une forme très pop là-dessus. Ouais. Mais ils vont chercher beaucoup au niveau des sons, des ambiances, puis de la production. C'est intéressant. C'est vraiment très, très unique à Portugal The Man, comment ils vont amener ça. Souvent, des synthétiseurs vont être un peu discrets à l'arrière. Ils vont venir amener des textures. La voix du chanteur ne veut pas, qui va tout le temps donner aussi cette dimension-là bien particulière. Comme je vous ai dit, vert d'oreille, c'est un peu, c'est, on dirait un chant après une pluie. Là. T'as que oui. Ça, des verres, oui. Là, c'est incroyable. Mais c'est très bon. Et merci, j'apprécie. Et c'est des gars qui produisent beaucoup de matériel, mais c'est jamais au détriment, heureusement, là, à part le groupe Anatomy of a Ghost. Excusez-moi, je le rentre dedans. Ça, c'était vraiment pas bon. Et en plus, j'aime-tu Anatomy of a Ghost? C'est comme, je comprends pas vraiment ton avis sur Anatomy of a Ghost. Non, t'es pas certain? Ouais, non, OK. Ouais. Écoute, j'essaierai d'être plus clair ouais, c'est la ça. Prochaine fois. Mais c'était exactement la même, les mêmes personnes, en fait? C'est deux mêmes personnes, en fait. Okay. Donc, le chanteur, John Baldwin, et Zachary Carothers, qui est okay. Le guitariste du groupe, si je me souviens bien, qui étaient ces deux-là, qui ont finalement migré vers Portugal The Man par la suite. Et donc, c'est ça, beaucoup de matériel. Donc, Waiter, You Vultures, leur premier album en 2006, 2007 avec Church Mouth, 2008, Censored Colors, 2009, Satanic Satanist, 2010, American Ghetto, 2011, In the Mountain, In the Cloud, qui est jusqu'à présent leur dernier album pour l'instant studio. Mais ils sont déjà en studio, ils enregistrent un album qui, semble-t-il, est beaucoup plus lourd que les autres, selon le chanteur du moins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même l'évolution dans chacun des albums. Principalement, Censored Colors, qui est un peu le mi-chemin du groupe, où ils ont vraiment pris une tournure beaucoup plus psychédélique, où l'album, c'est un album concept que tu dois écouter d'un bout à l'autre pour vraiment bien saisir toutes les parties. Mais moi, je vous ai quand même amené juste une chanson. J'aime ça briser des cœurs. Et ensuite, Satanic Satanist, qui est un album très léger, très bonbon, quasi cabotin. American Ghetto, qui est plus lourd, qui est plus, plus sombre un peu. Puis finalement, The Mountain of the Clouds, qui est un peu le cumul de tout ça, qui ont lancé l'année dernière. Donc, c'est un band qui est facile à découvrir, qui est facile à écouter. C'est des albums qui sont généralement autour de 35 minutes, donc quand même facile d'écoute aussi. On va continuer en écoutant. Hein? On va écouter Salt de Censored Colors, suivi de People C de Satanic Satanist et finalement Thousand Years de l'album American Ghetto. Vous allez voir justement la transition entre de quoi de acoustique psychédélique, de quoi de très cabotin pop bonbon et de quoi d'un petit peu plus sombre. On écoute ça. Les anciens de Anatomy of a Ghost ou encore Blinky, Pinky, Inky et Clyde. Hein? C'est ça. Exactement. Dans c'est un excellent groupe. Je pense que je vais vous présenter Anatomy of a Ghost. Ah oui. Oh, j'ai hâte. My legs are open and so the way. My lips move out all of my words the way. Pardon? Ça marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Thousand Years, non? Ah, le MP3 marche pas de Thousand Years. Oh! Il veut pas! Je pense que c'est quoi? C'est un des premiers matins que je vous amène la version MP3 et non la version CD. Hein? Je leur repartais pas. Maudine. Non, toujours pas. Non. Ben, Colin. Ah, ben, mon tatouage. Honte à moi. Honte à moi. Puis l'autre avant qui a fini sec, sec, sec, sec, sec. Oui, sec, sec, sec, sec. Mais c'est que, justement, ça arrive souvent que dans leur album, les chansons s'entrecoupent quasiment. Oui. Donc, et c'est un peu le cas de People Say, qui ouvre l'album et qui est immédiatement suivi par Work All Day. Oui. Chanson qui dit que quelqu'un travaille toute la journée, c'est donc pénible, comme on trouve tous. Comme tout le monde dans la vie, ever. Et voilà. Et voilà, surtout voilà, la fin de session, là. Qui arrive. Ouais. Mais qui est là. Qui est là, en fait. Ah. Oui, oui. C'est vrai, elle a cogné à ma porte ce matin. Elle a fait, salut! Maxime Tanguay, est-ce qu'il est là? Ouais. Hey, Maxime. J'ai dit non. C'est quoi, Maxime? Oui. Maxime. C'est moi, Maxime. Ça. Vas-y. Et sur YouTube. Mais ben, possiblement. Je vais te la faire jouer sur YouTube. Ah oui. Ça te tente-tu? Hey, Colin, les médias nous sauvent la vie. Une chance qu'ils sont là dans la vie. Portugal the Man, 1000 years, tout de suite. 89 FM, c'est la chronique de Maxime Tanguay. Ah, après une publicité de Smirnoff qu'on fera pas jouer en nombre. Non, parce que de toute façon, Smirnoff, c'est... pas bon. Ben, il achète pas de publicité, donc c'est mauvais. C'est, ben, c'est ça, exact, c'est exact. C'est ça la raison. Donc, Portugal the Man commence à l'instant. 89 FM, c'est fou. Patiner. Passage de vitesse. Fiou, fiou, fiou. We'll Donc voilà, c'était finalement A Thousand Years, qui est la version plus sombre du groupe avec des petits effets électro, belle foile. C'est très bon. Belle foile. Ouais. Ah, belle foile. Belle foile. Hey, c'est super bon pour vrai. Belle découverte ce matin. Bon, ben excellent, je suis content. Puis comme j'expliquais, j'ai pas amené les CD ce matin parce que les deux albums, surtout American Ghetto, Sataniste, ont deux pochettes très belles, très le fun, mais ô combien fatigantes. C'est de l'origami presque. En fait. Ouais. Sataniste, c'est quasi de l'origami, honnêtement. La première fois que je l'ai ouvert, je me suis battu pour le refermer, c'est épouvantable. Et les deux ont un disque, un truc de liège pour tenir les CD. Comme Mathieu disait, c'est tu l'enlèves une fois, tu le rides dans ton ordi, tu le remets là, tu y touches plus. C'est plate à dire, mais au moins t'as l'objet. Fatigant. Oui, c'est ça. J'ai dit fatigant, je veux dire, ça brise facilement, en fait. Ça brise fatigant. Mais c'est fatigant. Donc voilà. Ouais. J'ai épuisé. C'est Portugal the Man. Oui. Notez ça, tout le monde. Portugal comme le Portugal. Oui. Virgule comme une virgule. Non, point. Point. Portugal, point de man. Ben oui, toi. Regardons ça, j'avais pas vu ça. Point, comme une fin de phrase. Alors, c'est une nouvelle phrase, the man. L'homme. Voilà. Maxime Tanguay, l'homme lui-même. L'homme. Oui, mais pas du Portugal, comme vous l'avez clairement vu. Très bel accent. Je sais même pas c'est quoi un accent du Portugal. J'imagine que ça ressemble un peu à l'espagnol, là, mais j'ai aucune idée c'est quoi. Pas un grand connaisseur. Là. Moi, je sais, mais j'en parle pas. Oh! Raciste! Raciste! On te retrouve évidemment à ton émission L'Examen final est lundi à 13h. Oui. Est-ce que c'est terminé déjà? C'est notre dernière la semaine prochaine. D'accord. Donc, ce sera une espèce de topo rapide sur qu'est-ce qui est sorti de bon cette année. Fait qu'on devra avoir beaucoup de plaisir. Plaisir. Et évidemment, à la huître. La lutte, la dernière, lundi prochain, pour l'automne, parce qu'on revient en hiver, on est fatiguant de même. Et la lime, il reste trois shows, dont celui de ce soir, avant le congé des fêtes également. C'était quelle heure, c'est où ça, la lime? La lime, c'est salle Louis-Philippe Poisson. Bloup! À 20h tous les mardis, au coût de 5$ pour étudiants, 6$ pour autres personnes. Mais on aime ces autres personnes quand même. Oui, ben, ils valent 1$ de plus. Ben oui, exactement. C'est tout simplement ça. C'est parce qu'ils ont un meilleur siège. Oui. Plus rembourré. Oui, c'est ça. On leur dit ça. On leur fait croire. Ouais. Mais voilà. Merci Maxime Tanguay. Ben merci à vous. Et Maxime Tanguay, je pense que c'est la fin pour Assemblage Requis. Ah non. Non. Mais pour 2012. Pour 2012, malheureusement. Tout. Parce que comme François a dit un mot-clé tantôt, c'est-à-dire fin de session. Donc voilà, ça commence à être... Fin de session oblige, malheureusement, que je vais devoir passer le reste de mon temps à étudier et préparer un oral. Oh oui, je... Dormir entre les deux, peut-être de temps en temps, non? On va essayer. Dormir, Maxime Tanguay. Difficile. Il a peur dans le noir. Ouais, c'est vrai. Il est nommé en hommage à un magasin qui vend des matelas. Oui. Tanguay. C'est vrai, entre autres. Puis mon père, ironiquement, c'est drôle, t'en parles, parce que mon père travaille dans le domaine du matelas. Bon, c'est le cordonnier mal chaussé. Hein? Okay. Bon, c'est ça. Voilà. Maxime Tanguay, pas à la semaine prochaine. En janvier. Oui. Peut-être à une heure et à un jour qui sera déterminé plus tard. Et voilà. C'est bon. Voilà. On s'en reparle. Merci. Amusez-vous. Merci à vous. Hommage. Bonne journée. Paix et sérénité. C'est bien dit. C'est temps des fêtes. Ben oui. C'est vrai. Bonne année. Comment ça? C'est pas 100% musique de Noël. C'est fou. Pourquoi? Écoute-le le 24-25, ça devrait. C'est de la musique très spéciale des fêtes. C'est comme plus jazzé, bluesé, musique du monde. C'est le fun. Génial. On est originaux, nous. Assez fou. On n'est pas comme tous les autres. Hein? Mais c'est vrai en même temps, effectivement. Ben, tu sais, parce que moi, il faut que tu aies quelque chose d'autre à écouter que la musique de Noël de pas fini mon mot. Non, ça compte pas. Non, pas du tout. Dans quelques minutes, on recevra Michel Lebrun, François. Oui, on va parler de justice et du côté juridique de la chose. Des deux côtés, là, de la médaille. Des deux côtés. C'est ça. Alors, on va aussi avoir... Enfin, on n'aura pas David Ferron, mais on va faire à la place. C'est un fait Kinky Sexy Time Edition. C'est dans la dernière demi-heure de l'émission. Pour l'instant, on écoute l'Info Campus. Restez là. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce mardi 4 décembre 2012. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, 8h05. Je l'étudie, ça? Ah, 8h06, moi. 8h06, tabarnouche, hein? Ça se peut-tu? On est à terre ou on l'est pas? Ben, c'est ça. Moi, je dirais que ce serait pas mal le moment dans la journée où j'aurais envie de peser des choses, peser les tomates, peser peut-être les comment t'appelles ça, les avocats. C'est ce qui compose le panier à salade. Hein? Pas pire. Panier à salade, c'est la chronique de Michel Lebrun. On parle de choses justicières, judiciaires et juridiquières. Non, on fait pas ça. On fait certaines de ces choses-là, mais pas toutes. On les a toutes faites. Presque. Donc, Michel Lebrun, bon matin. Bon matin, Mathieu. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ça va très bien, merci. Oui, je réponds un peu à tes les préoccupations que tu exprimais, Mathieu, la semaine dernière, lorsqu'on parlait de prostitution, puis je parlais du problème que ça peut que la provo- ce qu'on appelle la provocation policière peut poser. L'entrapment. Entrapment, effectivement. C'est un concept qui est... Plus les corps de police ont développé des méthodes pour infiltrer les criminels les, ou ouais. Inciter des gens à commettre des crimes. Particulièrement les crimes qu'on appelle les crimes sans victime, là, les crimes comme le trafic de drogue ouais. Ou effectivement la prostitution. Sans victime, ça c'est débattable, mais quand même. Ben, sans victime qui se plaint, en tout cas. C'est ça, exact. C'est ça. C'est qu'ils sont volontaires et bénévoles. Ouais, c'est pas bénévoles. Non, mais ils se portent volontaires. Bon. C'est ça. La société et la victime, évidemment, c'est ce que les tribunaux, ce que les législateurs disent pour justifier le fait de leur intervention. Et... c'est déjà lorsqu'on parle d'infiltration, par exemple, je viens de terminer un livre qui s'appelle L'infiltrateur. C'est original. C'est écrit par Alex Kane, qui est c'est une histoire qui est absolument c'est hallucinant là, tout ce que ce gars-là a fait dans sa vie comme infiltration d'organisation criminelle. Il a commencé avec les c'est un gars qui était un criminel lui-même qui dit-il était repenti, puis à un moment donné il était approché par la mafia en Vancouver, il demeurait à Vancouver, la mafia asiatique, je pense que c'est des Chinois, c'est un peu se libérer de ce monde-là, ben, il est devenu informateur de police et puis il s'est mis, il a été tout un informateur de police. Il a successivement infiltré ce qu'on appelle les triades chinoises. Après ça, les motards, les bandidos aux États-Unis, les Hells Angels. C'est une vie qui était consacrée à ça. Et puis, on lit ce livre-là puis on se dit tout le temps, en tout cas, moi, je me dis ça... son but, c'est d'arrêter des gens. On cible des personnes, on veut les arrêter et on n'a aucune preuve qu'ils ont commis quoi que ce soit. On a simplement des raisons de le penser, ou on les aime pas, ou c'est une catégorie de population qu'on n'aime pas. Et lui, son rôle, c'est de les faire agir et de les faire commettre des crimes. Donc, du trafic de drogue. Il devait, par exemple, lorsqu'il a infiltré ce qu'on appelle les bandidos dans l'État de Washington, il devait faire deux transactions avec chacun des membres pour être sûr que tout le monde serait condamné pour trafic de drogue, puis il y aurait des peines importantes. Alors, il a passé des années à les inciter, puis à dire « je veux de la drogue, je veux... » Vends-moi-en, tu y en vends pour qu'arrête. Exactement. Bon, mais François, t'as parfaitement bien compris le principe de l'entrapment. Hein? Écoute, c'est hallucinant, je peux pas croire. Et lui, tu peux pas l'accuser de rien, lui. Non, effectivement. Et puis, il y a eu un cas aux États-Unis qui était très célèbre, où les FBI avaient engagé un fraudeur. Un bon fraudeur, mais un gars ultra criminalisé. Ils l'ont fait passer pour un chèque arabe, et puis il a approché un paquet de politiciens. Alors, c'était une des premières causes de corruption, une des plus importantes causes de corruption aux États-Unis, mais c'était complètement faux. Puis c'était toujours de se présenter comme un multimilliardaire qui voulait avoir un asile politique aux États-Unis. Ça s'appelait le scandale s'appelait Abscam. Il se faisait passer pour un arabe, d'ailleurs. Mais ça fait longtemps? Oui, les années 70. OK. Et puis, ils l'ont... Il donnait de l'argent à des politiciens avec une caméra cachée et tout ça, mais ces politiciens-là l'avaient jamais sollicité. C'est lui, dans le fond, qui approchait ces politiciens-là. Et ça a causé un problème d'ordre moral. Même, il a dénommé Bob Guccione, je ne sais pas si vous connaissez, c'est celui qui a créé la revue Penthouse. Oh. Et c'était quelqu'un qui n'était pas très aimé du gouvernement qui voulait se partir un casino, ben on a envoyé ce fraudeur-là tenter de lui demander de l'argent pour corrompre le système dans le but d'accuser cette personne-là. Fait que ça devient un peu étrange. Et puis, il y a des problèmes moraux derrière ça. Puis, est-ce que la police peut tout faire pour inciter les gens à commettre des crimes? Parce que si la personne n'avait pas été là, il aurait certainement pas essayé de trouver quelqu'un pour corrompre le système, tu sais. Ben, c'est ça. Si la personne, on sait qu'elle a déjà entrepris de corrompre le système, c'est peut-être une chose. Ouais, c'est ça. Mais. Mais les personnes qui n'ont rien demandé. Y aller au hasard, et puis. Donc, c'est un problème. Et les corps de police développent toujours des méthodes de plus en plus élaborées ou compliquées. Puis, ça s'est inévitablement conduit devant les tribunaux. Donc, au début des années 80, il y a eu un cas qui s'est retrouvé devant la Cour suprême du Canada, qui est l'affaire de Mac, un monsieur qui s'appelait Mac. Et puis, il y avait justement une espèce d'agent double de la police, informateur, qui s'appelait M. Momotioc. Momotioc, c'est un beau nom. Et il rencontre M. Mac à Montréal en 79. Et la police prétend que ce M. Mac-là, qui a eu des condamnations pour trafic de drogue, il demande à M. Momotioc, qui est leur informateur, de tenter de faire une transaction avec lui. Alors, Mac, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a cessé de vendre et de consommer de la drogue. D'ailleurs, il s'est mis au yoga et puis il a comme abandonné. Il est zen, là. Oui, il est rendu zen et puis ça remplace toutes les substances illégales auxquelles il s'adonnait avant. Et lorsque M. Momotioc rencontre Mac, ben, il demande, il dit qu'il cherche ce qu'il appelle du pot thaïlandais. J'imagine que ça doit être une sorte de drogue. M. Mac refuse. Donc, il se réessaye à Montréal. M. Mac, lui, demeure en Colombie-Britannique. Il vient à Montréal à quelques reprises. Momotioc, je pense qu'à 7 reprises, il tente d'obtenir de la drogue de cette personne-là. Et c'est toujours des refus. À un certain moment donné, il consomme de la drogue devant M. Mac pour essayer de montrer qu'il est sérieux et qu'il en a besoin. Ou en tout cas. Et puis, il finit par offrir... Il offre des montants qui sont de plus en plus importants, puis il finit par offrir à peu près 40 000 $ pour avoir une livre de cocaïne. Et là, M. Mac, à un moment donné, il lui a montré des armes à feu aussi. Il a montré qu'il était un gars sérieux, puis tout ça. Puis finalement, après pratiquement 6 à 8 mois là, d'insistance, Mac, il finit par dire ben, « je connais quelqu'un », puis il finit par trouver quelqu'un, puis essayer de tenter d'organiser une transaction de stupéfiants. 6 à 8 mois, c'est long. Là. C'est long, puis là, lui, c'est non, non, non, tout le temps. Là, il finit par dire un peu quasiment pour s'en débarrasser. Ouais. Puis là, bon, il offre un gain financier important aussi. Puis là, ben, t'sais, des fois, des gens... Oui! Ils sont pas faits en bois, là. Ben, exactement. Fait que... lui, il finit par vendre 12 onces de cocaïne au M. Momotioc. Il se fait arrêter. La police est contente. On l'a arrêté. Donc, le juge du procès le trouve coupable. Évidemment, il a commis le crime. L'infraction est très claire. Mais lui, il présente une demande. Et il dit, vous devriez arrêter les procédures. C'est-à-dire annuler cette condamnation-là. Pas me déclarer non coupable, mais donner aucun effet à cette condamnation-là parce que la police a agi de façon... C'est elle qui a créé l'infraction. Dans le fond, c'est comme si le gouvernement crée les infractions. Et là, ça se retrouve devant la Cour suprême, et c'est tout un problème, je dirais même pour les juges, c'est tout un problème de dire, ben, est-ce qu'on peut passer l'éponge? Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la police peut tout faire? Bon. Et là, on commence à se poser des questions qui sont assez importantes là-dessus. Aux États-Unis, il y avait eu des cas aussi qui avaient été amenés devant les tribunaux. J'ai parlé de l'affaire Abscam et tout ça, mais les juges retrouvent des exemples. Par exemple, une affaire qui est un peu banale, mais aux États-Unis, mais quelqu'un qui va cogner à la porte, c'est un agent de douane, encore une fois, qui pense que quelqu'un vend de la boisson après les heures. T'sais. Et puis, l'agent double ou l'informateur se fait refuser de se faire vendre de la boisson après les heures. Et là, il parle avec la personne, le vendeur, le tenancier de l'établissement. Il voit que c'est un ancien soldat comme lui. Puis là, il commence à lui parler de ses souvenirs de guerre, puis de comment est-ce qu'on est des anciens soldats, des frères, tout ça. Puis finalement, le gars finit par y vendre un peu de boisson. Puis là, ben, paf, il se fait arrêter. C'est atroce. C'est pas éthique du tout, là. C'est ça, un autre cas américain, c'était un informateur qui rentre en thérapie. dans une maison de thérapie avec des accusés, dans le but de... donc, t'as quelqu'un qui est soupçonné d'être un trafiquant de drogue, mais qui est en thérapie pour essayer de régler son problème. Mais là, on envoie un agent double en thérapie. Pour se rapprocher. Pour essayer de se rapprocher de lui, puis établir un lien, pour finir par réussir à obtenir de la drogue de cette personne-là. Puis là, ben, on se dit... C'est mesquin, non? Ben là, c'est ça. Là, est-ce qu'il y a des limites, hein? Et puis, un peu la Cour... La Cour suprême dit, bon, les policiers devraient avoir certains moyens. Bon, il y a des crimes qui sont difficiles à détecter, comme le trafic de drogue, ces choses-là. Il dit, ce qui est préoccupant, c'est un peu ce que la Cour suprême dit dans cette cause-là, ce sont des techniques d'application de la loi qui exigent une conduite que le citoyen ne saurait tolérer. Dans bien des cas, les faits de l'histoire de Mac, là, dans le fond, la personne qui s'est faite pousser pendant 6 mois, 8 mois, ça constitue, on dit, un exemple classique de ce qu'on peut appeler la provocation policière. Et on définit ça comme étant la conception et la planification d'une infraction par un agent de la paix qui l'a fait commettre par une personne qui ne l'aurait pas perpétrée, n'eût été de la ruse ou de la persuasion ou de la supercherie de l'agent. C'est une bonne définition, je pense, de ce que ça peut être l'entrapment. Moi, je disais piégeage, tu sais. Ouais. Ben, c'est ça. Ça. Ah oui, puis on va arriver peut-être, si on a le temps, à ce qu'on appelle l'hameçonnage, là, parce que ça... Pêcher un criminel. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu comme troller à la pêche, mais sur Internet, maintenant, il y a un certain développement de ce côté-là. Hmm. Et puis là, ce qu'on dit, ben écoutez, pourquoi qu'on devrait interdire ça? Bon, une des raisons, c'est que l'État ne jouit pas d'un pouvoir illimité de s'ingérer dans nos vies personnelles et d'éprouver au hasard la vertu des individus. Je pense que c'est un peu ça, là. T'sais, on dit, c'est une drôle de société. Si le gouvernement commence à cibler des gens puis à les pousser pour voir s'ils commettraient pas... Et en commettre aussi des crimes. Ça, pousser des gens à commettre des crimes, lorsqu'on parle, puis lorsqu'on exploite certaines faiblesses chez les gens, tout le monde a des défauts, puis tout le monde a des propensions. Mais là, si l'État allait tester toutes ces propensions-là chez toutes les personnes, ben, je pense qu'on... Tout le monde serait coupable de quelque chose. On serait tous en prison. C'est ça. Il donne des exemples. Là, la Cour suprême, il dit qu'il y a sûrement des limites à ça. Il dit, prenons le cas d'un policier qui décide qu'il veut améliorer le nombre de condamnations en cours. Il dit, à cette fin, il dispose d'un portefeuille contenant de l'argent bien en évidence dans un parc, en s'assurant qu'il y a dans le portefeuille des pièces d'identité suffisantes pour identifier son propriétaire. Un promeneur peut prendre l'argent, se débarrasser du portefeuille et des pièces d'identité, et il procède alors à l'arrestation et à l'inculpation de cette personne. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est pas terrible que la police jouerait à ce jeu-là. Par contre, ils disent, considérons la situation où la police a reçu plusieurs plaintes de vol de sac à main, par exemple, dans une gare routière. Mm-hmm. Ben là, ils pourraient peut-être faire une enquête dans le but de prendre la personne qui le faisait déjà. Ou on considère que cet endroit-là est un problème pour ça. Oui. Ben, on se dit, ben là... peut-être que cette deuxième façon-là de procéder est légitime. T'sais. C'est comme deux exemples un peu théoriques, mais tout le problème est là. Où est-ce qu'on peut arrêter? Puis là, ben, quand on cible une personne en particulier, on se dit, bon, c'est quelqu'un qui a des antécédents. Ouais. Est-ce que c'est suffisant pour dire, ben, on va cibler cette personne-là, il a déjà vendu de la drogue, on va le retester? La Cour suprême dit non, ça prend plus que ça. Ça prend une raison de penser que la personne se livre actuellement au trafic, parce que c'est presque... c'est contre-productif, c'est contre les valeurs de société de dire, quelqu'un qui a déjà commis un crime, qui essaie de s'en sortir, on va lui donner l'occasion de recommettre ce crime-là. C'est quoi le but d'une prison ou d'emprisonner quelqu'un si c'est pas pour essayer de le remettre correct? Ben, il a payé sa dette. C'est ça, ben, oui, c'est ça. Puis est-ce qu'il va être obligé de traîner ça puis de se faire offrir? On sait qu'il y a eu cette faiblesse-là à un moment dans sa vie. Est-ce que c'est le rôle du gouvernement là, de faire retomber cette personne-là puis de détruire tous ses efforts là, de réhabilitation puis tout ça? Ce qu'on en vient... la Cour suprême dit... Le danger de condamner des agneaux, puis ils font une espèce de poésie ou d'analogie avec les loups et les agneaux. Ils disent, bon, les loups sont durs à prendre, et puis les agneaux, ben c'est des gens qui sont vulnérables et qui peuvent... Donc, on peut pas sacrifier des agneaux pour attraper des loups. D'un autre côté, il faut avoir certaines techniques d'enquête et tout ça. Bon. On dit... ça va prendre deux choses. Ça prend une enquête qui justifie sur quelque chose de solide. Donc, des raisons, peut-être pas des preuves réelles, mais au moins des raisons sérieuses de soupçonner une personne ou un endroit. Vous allez voir, ça va revenir, cette question-là d'endroit, parce que plus tard, il y a d'autres dossiers qui reviennent à la charge, dont des cas d'achat de drogue dans un lieu, par exemple. Il y a eu une cause qui est revenue devant la Cour suprême à un moment donné. On dit il y a un endroit à Vancouver qui est reconnu pour le trafic de drogue en pleine rue. Donc, là, tu as un agent de police qui est évidemment un agent double qui s'en va approcher quelqu'un parce qu'il a de l'air un peu marginal, parce qu'il a les cheveux longs, des choses comme ça, puis qui va demander est-ce que tu aurais quelque chose un peu de part pour moi, puis finalement, il finit par acheter une certaine quantité. La personne dit se plaint justement un peu de ça, d'entrapment. Elle dit c'est juste parce que j'avais de l'air un peu marginal que j'ai été approché. Et là, la Cour suprême dit oui, mais ça, c'est vrai que c'était pas un motif pour approcher quelqu'un. Mais je pense que la police devrait pouvoir approcher quelqu'un lorsqu'elle a des raisons de croire qu'un lieu est propice. Un petit quartier est propice au trafic de drogue. Donc, on justifie cette infiltration-là par dire mais cette personne-là présentait pas de motif de croire qu'elle commettait des crimes, mais le lieu justifiait le fait d'approcher des personnes qui le fréquentaient. Ça me fait penser un peu au profilage racial. Tu sais, dans les aéroports, on dit, bon, tu peux pas faire de profilage racial, tu peux pas arrêter quelqu'un parce qu'il a l'air, entre guillemets, d'un terroriste en même temps. Donc, si quelqu'un a l'air d'un terroriste, tu peux pas l'approcher parce qu'il va te faire dire que c'est du profilage racial. C'est un peu la même chose. Ben, c'est un peu la réflexion, tu vois, Mathieu, que je me faisais en lisant cette cause-là. Je me disais, supposons que à place d'avoir les cheveux longs, la personne avait été d'une race particulière. Mettons un turban, mettons. Ben, exactement. Et puis, puis peut-être dans l'Ouest canadien, il y a souvent les Autochtones qui sont ciblés. Oui, qu'est-ce que la Cour suprême aurait dit? T'sais, si le policier avait dit, ben moi, voyant que ce quartier-là sert au trafic de drogue, je vois quelqu'un qui appartient à tel groupe ethnique et je considère que ces gens-là sont plus propices à commettre. Je ne sais pas comment est-ce qu'on aurait jugé ça, parce qu'on a dit que le seul fait de fréquenter le lieu permettait de les approcher. Je pense que ça ouvre une porte là, à certaines formes d'abus. Mm. Puis les policiers le diront pas tout le temps, mais si vous regardez aux douanes, il y a des gens qui ont le teint différent, puis qui, comme par hasard, moi j'ai un de mes amis qui s'est fait fouiller pas mal plus souvent que moi. Que la moyenne. La seule différence que je peux voir, à part le fait que c'est un bon vivant, là, c'est que, et ça paraît pas aux douanes, c'est que il est plus foncé. Là, un petit peu plus foncé. Oui, effectivement. Et puis, mais ça, il paraît que c'est pas vrai. Bon. Alors, non, on pourra pas le prouver. Mais, voyez, là, on a dit, ça prend ça, puis il faut qu'il y ait des soupçons, puis aussi, il faut que la personne, que le moyen qu'on se sert pour approcher la personne soit pas trop insistant. Mm-hmm. Parce que, ils disent, on peut utiliser, par exemple, les liens familiaux, ou utiliser des faiblesses personnelles. Comme, par exemple, dans le cas de Mac, de M. Mac, les policiers savaient que c'était un gars qui avait... non, c'est pas dans le cas de M. Max. Il y a un autre cas qui est survenu plus tard. C'est un M. Brown, d'ailleurs, pas parent avec moi, mais... Le Brown. Qui, lui, était un soldat à l'armée qu'on soupçonnait de se livrer au trafic de drogue. Le soldat Le Brun, c'est lui. Exactement. C'est ça, mettons. Là. Ou peut-être pas aussi. On lui a acheté on s'est mis ami avec lui deux agents doubles se sont mis amis avec lui. On a constaté que c'est un gars qui consommait des stupéfiants, qui prenait il fumait du pot, ou il fumait du hashish, et puis chez eux ça le partait un peu, donc des fois il partageait des cigarettes illégales avec ses convives, mais ils ont jamais trouvé de preuve comme quoi il se livrait au trafic, comme quoi il vendait. Et ce qu'ils ont fait à la fin, ben, c'est de se mettre tellement amis avec lui puis d'y offrir de la boisson, puis on savait que c'était un alcoolique. Et sur le party, de dire, ben là, on manque de drogue, on manque de pot ou de cannabis ou de hashish. Donc, trouve-nous-en. Puis finalement, il en a trouvé aux deux agents doubles. Et là, il était accusé de trafic. Là, on a dit encore une fois, on te fait faire du trafic alors que, juste pour rendre service à des amis, on utilise des liens d'amitié. Pense être des amis. C'est ça, on crée des liens d'amitié. Et par le fait qu'on est des consommateurs, donc des gens qui font le crime qu'on commet, c'est de la possession. Des petits crimes. Là, un crime qui est beaucoup moins grave que celui de trafic. On conduit la personne à commettre quelque chose qui est défini comme étant du trafic. Et ça aussi, ça a été jugé un peu illégal. Donc, les... les tribunaux ont vraiment ouvert une certaine porte, puis on essaie de bloquer un petit peu ce que le gouvernement a fait. Par la suite, on a eu des... Là, ça s'est mis à se plaider parce que les corps de police, il y a eu quand même une explosion de techniques d'enquête et ça va nous conduire dans les années 2000. On a vu on appelle ça du test shopping. C'est des agents doubles qui veulent acheter du tabac pour des cigarettes, des mineurs qui veulent en fait attraper des dépanneurs qui vendent des cigarettes à des mineurs. Donc, on envoie des gens qui ont l'air des mineurs ou qui sont des mineurs acheter du tabac, puis on fait ça un peu un peu partout. À une grande échelle, c'est ça. Et puis, la Cour d'appel d'Ontario a dit c'est légal, ça devrait être correct. Une autre chose qui s'est faite, c'est que en Colombie-Britannique en particulier, on veut prendre des gens qui se livrent au trafic de drogue dans des événements comme des raves. Et on envoie des agents doubles. Danser toute la nuit. Danser toute la nuit. Et ce que les accusés, ce dont les accusés se sont plaints, certaines fois avec succès, d'autres fois moins, c'est que la promiscuité qui s'installe entre des participants dans une soirée rave. Particulièrement si on envoie une fille qui paraît bien, puis ben là, ça rapproche de... C'est facile, là! Ben oui, c'est ça. Puis là, constate que la personne est intoxiquée. Bon, là, on sait que la personne consomme, parce qu'il se consomme souvent des drogues, souvent de l'ecstasy ou des amphétamines dans ce type d'événement-là. Et c'est très festif, donc les gens se rapprochent et tout ça. Et il y a des gens qui se sont fait accuser et qui disent « Ben écoute, l'agent double, elle m'a fait des avances plus ou moins voilées ou directes. » Et puis là, ben je vais avoir une pilule. Puis finalement, la personne finit par y trouver une pilule, mais la personne n'était qu'un consommateur. Et puis là, se retrouve accusé d'un trafic de méthamphétamine. Oh, oui. Et là aussi, il y a une question morale, une question éthique. Et puis, et ça nous conduit aussi dans des cas, et puis j'ai trouvé une cause qui s'appelle, où on parle de prostitution de rue, ces choses-là. Des gens qui approchent la cause de Gambo, c'est un beau nom d'ailleurs. La personne qui vous vous rappelez que je vous parlais la semaine dernière que de communiquer avec des gens pour des fins de prostitution, c'était illégal. Mm-hmm. Et les agents doubles en Saskatchewan, ciblaient des femmes qui étaient sur la rue, puis en déterminant qu'il y avait des motifs de croire que ces personnes-là se livraient à la prostitution, bien là, les approchaient puis leur demandent qu'est-ce que tu es prêt à faire puis ces choses-là. Puis là, dès que la personne donne une offre... T'es arrêté. Oui, c'est ça. Le but de ces opérations-là, c'est souvent que les citoyens dans certains quartiers se plaignent et puis bon, parce qu'il y a du racolage ou des choses comme ça. Oui, il y a du vent. Ça cause ça perturbe un peu les activités d'un quartier. Par contre, ça aussi, de part et d'autre, je vous dirais, il y a des agents doubles des deux côtés de la clôture là, en matière de prostitution. Il y a des agents doubles qui se font passer pour des prostituées. Il y a des agents doubles qui se font passer pour des clients. Est-ce que lorsqu'on parle de pulsion de cet ordre-là, si la police se met à faire le trottoir, est-ce que nécessairement les personnes qui vont s'adresser à eux, lorsqu'on démontre clairement qu'on offre un genre de service comme ça, est-ce que ces gens-là auraient commis ces infractions-là si ça n'avait pas été cette personne-là qui se trouvait là? On peut se poser la question. Et puis la dernière chose qui s'en vient et qui va être beaucoup... d'après moi, d'actualité. Puis là, vous allez voir sûrement dans les médias il y aura sûrement de la couverture de ce côté-là. Il y a tout le phénomène qu'on appelle le leurre d'enfant. Il y a même des médias qui ont, aux États-Unis, les médias vont loin. C'est bon, cette émission-là. Je sais de quoi tu vas parler, c'est bon ça. Des journalistes qui se font passer pour des enfants. Pour des mineurs. Puis là, pour des mineurs. Puis que là, dans des sites de chat ou des sites de Il installe des adultes dans des salles de chat, mais les adultes se font passer pour des enfants. Ils les attirent dans une maison qui est remplie de caméras, en tout cas dans To Catch a Predator, qui est celle que j'écoute beaucoup trop souvent. J'aime bien ça. Et puis, il engage une actrice qui a genre 19 ans, je sais pas quoi, puis qui peut avoir une voix plus aiguë. T'sais. Puis là, la personne vient là, puis tu sais, des fois, ils vont lui demander, amène de la bière, des condoms, tu sais, pour prouver dans le fond que tu avais vraiment une intention de venir faire quelque chose avec cet enfant-là. C'est quand même, bon, ça fait de la bonne publicité, de la bonne télévision, bien sûr. Mais on se demande, tu sais, jusqu'où ça va aller, puis comment est-ce que, tu sais, on voit l'émission à la télévision, mais on voit pas tout ce qui a conduit à cette... cette personne-là a embarqué dans ce projet-là. Et évidemment, tout ça, c'est la première fois que je fais ça. Évidemment. Mais puis c'est sûr qu'on n'est pas obligé d'y croire. Mais est-ce que c'est possible que ça se produise? Parce que et ça s'est plaidé en Ontario. Voyez, en Ontario, il y a eu un cas où un directeur d'école dit à la police, écoutez, je pense qu'il y a un gars de 22 ans qui a une aventure sexuelle avec une fille de 16 ans. Faut que vous sachiez, c'est pas illégal, ça. Non. Si c'était un professeur, si c'était un professeur, une personne en autorité, en situation d'autorité, là, ça deviendrait illégal. Mais parce directeur que la personne est en... d'école. Non, le directeur, lui, porte plainte parce qu'il a entendu dire que une jeune fille de 16 ans avait une aventure sexuelle avec un gars de 22 ans. Okay. Et, ce qui est très fréquent, là, de nos jours. Oui. Ben là, c'est ça. Là. C'est pas tout à fait l'image qu'on a de la pédophilie. Non, vraiment. La police enquête, puis ils se rendent compte qu'il y a sûrement quelque chose qui s'est produit, mais il n'y a pas personne qui... Il y a deux, trois élèves, des amis de la fille en question, qui sont rencontrés. Les policiers comprennent à mots voilés qu'il s'est sûrement passé quelque chose, mais que ces personnes-là n'ont absolument pas l'intention de porter plainte parce que il y a absolument... Tout ça, c'est... Écoute, les deux sont consentants. Ils sont faits de consentement, puis tout ça. Il y a une allégation, à quelque part, que les deux personnes se seraient filmées à un certain moment donné dans leurs ébats amoureux. La police dit, bon, là, ça peut être de la pornographie juvénile. Donc, parce que la personne est moins de 16 ans? Moins de 18 ans. Ouais, c'est 18 c'est ans. Juvénile. C'est une règle. Et puis là, ce que la police décide de faire, c'est de commencer une enquête et de faire un lien Internet en utilisant un pseudonyme. Donc, l'enquêteur se fait passer pour une jeune fille de 13 ans. Okay. Et là, il commence à développer une relation par Internet là, avec cette personne-là de 22 ans. Et là, ça débouche sur des avances de nature sexuelle. Mais sauf que... Et ça peut être à long terme là, aussi. Là. Tu sais, tu crées pas un lien de confiance en 10 minutes. C'est ça. Là, et ça s'est fait... En fait, c'est ça l'objectif du policier. Donc, c'est évident que dans ses contacts ou dans ses chats ou dans la façon dont il s'est exprimé, il y a eu toute une description de tout ce qui a été dit dans cette cause-là. Mais à un moment donné, monsieur a ouvert, il y a eu des avances qui se sont faites. Et là, on l'a accusé d'avoir leurré un mineur. Et cette personne-là a été trouvée coupable, avait commis cette infraction-là. Et le juge dit, écoutez, on n'avait aucune raison de penser que ce gars-là... C'était un prédateur sexuel. C'était un prédateur sexuel ou même un pédophile. Et il dit, écoutez, moi, je considère que ça, c'est de la provocation policière et ça va trop loin. Et je trouve que son raisonnement se tenait. La cour d'appel a dit non. Il y avait la question de la pornographie juvénile là, qui était une infraction et tout ça. Et un petit peu par la porte d'en arrière, on a établi que c'était légitime pour les policiers d'agir comme ça. Lorsqu'on y pense, en tout cas, moi, je vois certainement un problème avec ça, puis ça rejoint un petit peu l'émission dont tu parlais, Mathieu. Est-ce qu'on va pas créer des criminels? Lorsqu'on parle de matière sexuelle et lorsqu'on crée des enfants virtuels comme ça, avec des comportements qui sont peut-être pas nécessairement typiques de comportements, c'est un adulte là, qui est en arrière, puis qui veut faire tomber la personne de l'autre côté. Ouais, c'est ça. C'est vraiment de gâcher des vies, là, pour dans le fond, il s'est rien passé en tant que tel, puis là, t'as vraiment, tu avais... C'est un prêtre ou justement un directeur d'école, des gens comme ça qui se font piéger à ça. Ils ont rien prêtre? Fait, mais ils ont été... Ouais, un prêtre. Ah oui, il y avait... Le prêtre, c'est un des meilleurs. C'est sur YouTube, les To Catch a Predator. Oh. Je pense que TVA avait fait un remake de ça récemment. Oh oui, ouais, ça avait passé. Tu sais, on connaît les méthodes québécoises. Je connais pas ceux qui font ça aux États-Unis. Ouais. Mais... Ils sont tellement sensationnalistes qu'ils en veulent. Okay? Ben, c'est qu'aux États-Unis, en plus, on ne brouille pas les faces. On montre les gens. À TVA, au moins, les faces étaient brouillées. Ben, floutées. Ouais. Mais il y a eu des cas, je pense, des gens en Europe. En tout cas, il y a toute une industrie qui est en train de se créer, là, un peu de l'entrapment. Et puis, Est-ce qu'on s'attaque aux bonnes cibles? Est-ce qu'on ne prend pas des gens, dans le fond, vulnérables oui. et pour créer des shows à sensation? C'est ça. Et puis là, ben, c'est payant. Là, si cette émission-là a des bonnes cotes d'écoute aux États-Unis, ben là, ça nous en prend des prédateurs. Là. Et puis, pour en avoir, ben, est-ce qu'on traverse pas la ligne à un certain moment donné? Et puis là, ben, comme tu dis, Mathieu, on détruit des vies. Là. Alors, moi, je pense que c'est un problème. Il y en a un qui s'est tué, pour vrai, après une de ces émissions-là. Un gars qui s'était fait piéger à cette émission-là s'est tué. Ben écoute, quand tout le monde voit ta face, puis t'associes directement au mot prédateur sexuel. Pis, dans la population, les gens vont dire ah ben c'est un pédophile, tant mieux s'il peut se. Mais c'est plus que ça. Les lignes sont plus floues que ça dans Il y a une vie, une famille. Là, Ben oui, puis surtout si c'est quelqu'un qui a jamais rien fait. Il y a des gens des pulsions, là. T'es curieux. Tu veux pas nécessairement faire quelque chose, mais t'es curieux. Ben, c'est ça. Alors, si on laisse. On ouvre les portes de ce côté-là, y a des sérieuses injustices là, qui vont surgir. Ouais. Si ça vous intéresse, en tout cas, moi, je l'admets, je m'assume, je suis un fan de cette émission-là. C'est plate à dire, mais si ça vous intéresse, c'est To Catch a Predator. Et rien qu'à la fin, quand ils se font arrêter, il y a des policiers déguisés en arbuste pour leur sauter dessus. Pas vrai. Pour dire comment ça, c'est génial, mais c'est très, très mauvais. To Catch a Predator. À quelle chaîne? Ça jouait sur NBC et les reprises jouent sur MSNBC, une chaîne câblée en ce moment. Ça joue beaucoup trop souvent. La fin de semaine, les soirs de fin de semaine, là, vous pouvez en écouter 4-5 de suite, pour vrai. Là. Ah ouais. C'est génial. Mais mauvais, mais j'adore ça. Michel Lebrun, merci. Ça fait plaisir. J'aime bien pouvoir parler de ce sujet-là à la radio. Je trouve ça ridicule. Donc, on va reparler avec Michel Lebrun la semaine prochaine. C'est les mardis à 8h30. Voilà. Nous, on continue avec la musique de Karim Ouellette. Son nouvel extrait du palmarès francophone s'appelle Fox. Et après ça, on revient. Et parlant d'un fox, d'un renard qui se fait aller la queue, ça fait un lien avec To Catch a Predator et avec la chronique Kinky Sexy Time dans quelques secondes. Hein, c'est pas pire. La queue. Une petite queue qui se fait. Une grosse queue, en fait, pour un renard. Tapis dans les serpes hautes, je n'attendais pas quelqu'un d'autre. Quand je veillais jusqu'à l'aube, je ne connaissais pas mes fautes. Je ne rêvais pas de prose, ni de devenir astronaute. Je n'écoutais plus les roses, mais je voulais quelque chose. Réponds-moi, où sont l'eau fraîche et l'amour? Loin de moi, ils sont partis faire un tour. Mais tu sais quoi, tous les loups des alentours avaient tort un point, c'est tout. J'espère encore ton retour. Donne-moi ma chance, ma belle bienveillante. Je ne suis plus comme les autres. Le sais-tu pas? Donne-moi ta rose. Je n'avais pas l'esprit souple, je ne ressentais pas de doute. Lorsque j'observais les couples qui venaient de l'autoroute, sous le rayon de la grande ourse, en train de boire à la source, j'attendais mon dernier souffle, mes larmes coulaient au compte-gouttes. Réponds-moi, où sont l'eau fraîche et l'amour? Loin de moi, sont partis faire un tour. Mais tu sais quoi, tous les loups des alentours avaient tort, un point c'est tout. J'espère encore ton retour. Donne-moi ma chance, ma belle bienveillante. Je ne suis plus comme les autres. Le sais-tu pas? Donne-moi ta rose, ne t'en va pas. Retour, on piège les dépravés sexuels dans Kinky Sexy Time Edition. êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le plan de demain à assemblage requis. Anne-Julie Durocher mettra son index dans notre face pour nous montrer ses choix de la semaine. Jasmine Raymond-Réville nous présentera les prochaines activités et actualités de la GEQTR. Et Maxime Bilodeau nous cuisinera une chronique d'une foulée à l'autre sur le sucre. C'est demain, 7h, sur les ondes de cette station. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. L'émission qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage requis se poursuit jusqu'à 9h. Salut François. Salut Mathieu. Ça va bien François? Ça va bien toi? Ouais. C'est-tu qu'à l'hockey? Ouais, ça va très bien. Ouais. 8h44 minutes. Ouais. C'est quoi, mardi 4 décembre. OK, de quelle année? Hein? Et 2012, évidemment. On est où, là? En direct du studio. Comment t'as dit? J'essaie de mettre de l'ambiance, Matt. Ouh! On veut de l'ambiance, François. C'est Kinky Sexy Time Edition. Dans la chronique, c'est un fait, bien sûr. Commençons avec un fait sur le Viagra. Sais-tu que le Viagra a été approuvé comme traitement pour l'hypertension pulmonaire? Non. Ben, c'est vrai, ça. C'est vrai. On dit qu'en 2004, le ratio film de porno versus film régulier qui sont loués dans les clubs vidéo aux États-Unis. Ce serait que, c'est quoi pour toi le ratio entre les films qui sont de la porno et des films normaux loués dans les clubs vidéo aux États-Unis? Mmh, 70%. Non, c'est 1 pour 5. Donc, un film porno pour 5 films normaux. Okay. Donc, ça fait 20%. C'est ouais, à peu près ça. Des gens dans une tribu du nord de l'Ouganda peuvent... En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des nœuds dans leur engin masculin. Ils sont capables de faire des nœuds dans leur engin. Pourquoi est-ce que les gens de cette tribu-là font... Je sais pas. Mais c'est comme ça. Au début du 20e siècle, le catalogue Sears vendait ce qu'on appelle la Heidelberg Electric Belt, donc ceinture électrique de Heidelberg. C'était un jockstrap qui envoyait un courant électrique à l'appareil... Dans les jambes. Ceinture de... Je sais pas si c'était une ceinture de quoi, mais c'est ça. Un baiser entre deux femmes a été montré pour la première fois aux États-Unis à la télé en 1991 dans l'émission Elle est là. OK. Elle est là et l'autre aussi est là et les deux sont là en train de s'embrasser. Eh boy. Tu sais, le son qu'un appareil photo fait, en fait, les téléphones cellulaires font tout ça aussi, un petit bruit quand on prend une photo, c'est, j'imagine, tu le savais déjà, pour décourager les upskirts, c'est-à-dire les gens qui vont prendre des photos en dessous de la jupe des femmes. Et on peut toujours pas les éteindre, ces sons-là, sur la plupart des téléphones en Asie, encore aujourd'hui. On peut pas enlever ce son-là. Alors que sur nos appareils, l'autre fois, j'avais vérifié, on peut le désactiver sur nos appareils ici au Canada. Tu peux faire ça, toi, là. Tu peux prendre ça en dessous des jupes, n'importe quand. Comme si je le faisais pas. La science du baiser s'appelle la philématologie. Philématologie. OK. Pourquoi pas? Le terme cabaza décrit une femme qui a des habiletés ou des capacités, OK, des habiletés, mettons, dans la technique sexuelle antique ou ancienne de traire l'appareil masculin, OK, en faisant une contraction de ses abdominaux à elle et de son muscle de son engin. Donc, c'est qu'elle est capable de traire l'engin masculin avec son engin féminin. C'est ce qu'on appelle le cabaza. C'est une technique. Il y a des gens qui font ça. Eh bien. Extraire en faisant ces... Bref, mouvements-là. OK. C'est cabaza. K-A-B-A-Z-Z-H. L'inventeur des culottes masculines, des bobettes, finalement, c'est Arthur Niebler. Il a fallu que j'aie de la misère avec le mot Arthur et non pas Niebler, K-N-E-I-B-L-E-R. Elle les a inventées en 1935. Avant ça, je sais pas si les gens étaient nus. Commando, comme on l'appelle. L'Américain moyen fait l'amour combien de fois par année, selon ton expertise? 52 fois. Une fois par semaine, toi? Ouais. Hein, pour ça. C'est un petit peu plus que ça. 85 ouais. fois par année. OK. Pratiquement deux. Ouais, c'est ça. Ben, pratiquement. Je dirais une fois et demie, peut-être, par semaine. Les koalas femelles, lorsqu'en captivité, vont souvent se faire des orgies lesbiennes. Les koalas femelles. Wow. Ben, tu sais, tant mieux. C'est cool. Les hommes et les femmes peuvent être allumés sexuellement par l'arôme du vin. Les senteurs, les odeurs de plusieurs vins, apparemment, c'est un peu ça. Comment dire? Ça copie presque. C'est comme une réplique, si on veut, des phéromones humaines. Donc, okay. C'est bien attirant. Les citrons ont déjà été utilisés comme contraceptif. Un demi-citron était inséré, oui, dans l'engin féminin, comme un diaphragme. Un citron, un demi-citron. Là, on dit un demi-citron, c'est un demi-cercle, une demi-sphère. Ouais, ouais. C'est pas un quartier bizarre de citron, là. Le mâle, l'homme moyen, produit environ 14 gallons dans sa vie. Tu sais, 14 gallons de... Ben ouais, c'est ça. Ce qui est assez pour remplir la tank à gaz d'une Plymouth Duster 1993. Toi. Plymouth Duster. 93? C'est un modèle bien spécifique. Hein. Se faire botter dans les balles de ping-pong. Les balles. Se faire botter dans les balles. Ça vaut, et là, ça va être très, très scientifique, 9000 DEL. C'est une unité de douleur, OK? OK. On appelle ça des DEL, D-E-L. OK. Ce qui est comme donner naissance à 160 enfants et se fracturer 3200 os en même temps. Donc, on a calculé l'échelle de la douleur. 3200 os en même temps? Tu casserais 3200 os dans ton corps. Ou encore, tu donnerais naissance à 160 enfants. C'est l'équivalent de se faire botter dans les balles de ping-pong, qui est 9000 unités de DEL. Intéressant, quand même. Eh bien. Ça prendrait une personne typique environ 17 mois pour passer à autre chose lorsqu'on se fait laisser ou passer par-dessus l'histoire de ton ex. Ça pratiquement un an et demi. Mois. Exactement. Ben, pas exactement, mais... Pratiquement. Ouais. Pratiquement. La mode de descendre ses pantalons. Tu sais, là, ben, descendre ses pantalons, tu sais, ouais. On porte ses pantalons très, très bas. Évidemment, l'origine de ça était en prison. C'était pour laisser savoir aux autres prisonniers que tu étais disponible pour des choses sexuelles. Les femmes qui ont des relations sexuelles fréquemment ont des cycles menstruels moins douloureux. OK. Pensez au sexe. Ça stimule le mental. Le mental. Ce qui, ouais, le mental. Ce qui apparemment descend ton risque d'avoir un trouble mental plus tard. OK. D'avoir une maladie mentale. D'avoir une maladie mentale, exactement. Et, savais-tu celui-là? Je l'aime bien, celui-là. Parce que j'ai préparé ma pièce, attends un peu. Je vais te préparer ma pièce avant parce que c'est tellement beau comme transition. Les kangourous mâles peuvent eux-mêmes se donner un blowjob. C'est sérieux? C'est ce qu'ils disent. En hommage à ça, voici les Beastie Boys et The Kangaroo Rack. C'est la pièce Kangaroo Rat par Beastie Boys qu'on écoutait à Assemblage Rocky. C'est la chronique, c'est un fait. Kiki Sexy Time Edition. Et je trouve ça assez sexy pour continuer dessus. C'est assez sexy. C'est très, très sexy. Savais-tu, François, que les lèvres, là, on parle des lèvres dans la face. Oui, j'imagine. Sont 100 fois plus sensibles que les bouts des doigts. Même les lèvres de l'autre sorte de lèvres, là, en bas, chez la femme, sont pas aussi sensibles que les lèvres de la face. Eh bien, quand même. 65% du temps, les gens, dans le fond, après avoir rompu, vont retourner à leur ex parce qu'ils s'ennuient des relations sexuelles. La plupart du temps, quand on retourne à son ex, c'est parce qu'on s'ennuie des relations sexuelles qu'on avait avec. Oui. Oui. Eh bien, je savais pas ça. Sentir du chocolat peut sexuellement stimuler le menteur. La patente. Non, ben il en fait plus sa tête. Ah, OK. Ça stimule sa tête et ça va la mettre dans le mood, dans l'ambiance pour les relations sexuelles. Sentir du chocolat. Les chercheurs nous disent que en moyenne, une relation sexuelle dure 2 minutes 50 secondes. Je crois qu'on avait déjà fait celui-là, 2 minutes 50 secondes. Ah, je sais pas. Les chercheurs, selon les chercheurs. La plupart des hommes en dessous de l'âge de 40 ans peuvent chouigner, avoir une érection totale en moins de 10 secondes. La plupart des hommes en dessous de 40 ans. La barbe d'un homme va pousser plus vite lorsqu'il anticipe des relations sexuelles. Selon une étude, encore une fois, sa barbe va pousser plus vite. Certains dauphins c'est encore une fois selon les naturalistes. Ça, c'est pas sûr qu'ils se promènent tout nus. Ouais. Non, on parle de dauphins ici, donc les amateurs d'animaux. Selon les gens qui surveillent les animaux. Donc les dauphins, certains dauphins en fait vont commencer à tuer autour d'eux lorsqu'ils sont sexuellement frustrés. Ils vont commencer, ils vont aller tuer entre d'autres animaux. Entre eux autres, ça le dit pas, mais ça j'imagine pas. Entre animaux du moins. Bizarre. La trypsolagnie. Là, je prends le terme en anglais, trypsolagnia, et je mets un E en français comme si c'était comme ça qu'on faisait du français dans la vie. Donc, c'est être excité sexuellement quand tu te fais shampooiner les cheveux. Donc, c'est comme avoir des relations dans la douche à tous les jours. Trypsolagnie. Durant une session de relations sexuelles typiques, l'homme moyen va en moyenne faire un va-et-vient entre 60 et 120 fois. OK. Entre 60 et 120 fois. Une étude... J'aime bien ton move. Merci. je faisais aller les poignets. une étude prouve ou a démontré qu'après avoir eu une relation sexuelle, OK, après s'être laissé râler, s'être éjecté, là, les gens vont avoir beaucoup moins de difficultés à parler en public. Okay. C'est plus facile pour eux de parler en public après s'être fait aller. 60% des films qui sont loués dans des salles, dans des chambres d'hôtel, en fait, sont des pornos. Un peu comme on disait tantôt, les films loués dans les clubs vidéo. On parle de 60% des films loués dans les chambres d'hôtel. C'est plus privé. T'as l'impression que moins de gens vont savoir que t'as fait ça. Donc 60% des gens. Des films. Psychologiquement parlant, les hommes trouvent que les femmes habillées en rouge vont être plus sexuellement attirantes et vont dépenser plus d'argent lors d'une date, d'un rendez-vous galant. Okay. Ils vont dépenser plus d'argent si la femme porte une robe rouge. Les seins d'une femme... Alors ça, je l'ai déjà dit, je suis sûr, mais je le répète, il y en a qui valent la peine d'être répété. Les seins d'une femme vont grossir de 30%. Peuvent grossir jusqu'à 30% de plus lorsqu'elles sont horny, comme on dit. Affamées de sexe. Oui, cochonne, si on veut. Un vrai orgasme brûle environ... Très bien dit. Un vrai orgasme brûle environ 112 calories. Par contre, un faux orgasme, faire semblant de se rendre... Ça en brûle plus? Ça en brûle plus 315 calories. Eh bien... À chaque année, 11 000 Américains se blessent en essayant des positions sexuelles qu'ils n'ont jamais essayées avant. Des positions sexuelles bizarres. 11 000 Américains se blessent. Par année! Et juste aux États-Unis, là. Ouais. Des fois, un éléphant va utiliser son engin comme cinquième jambe pour supporter son poids. Les éléphants. Eh bien. Et finalement, en Corée, on offre ce qu'on appelle des Vagina Day Spas, où une femme peut s'acheter quelque chose qui ressemble à un facial, mais pour en bas. Un facial du bas. OK. C'est Vagina Day Spas. OK. Ah. Incroyable, hein? Ouais. C'est le fun pour eux autres? Ben tant mieux, tant mieux. Puis pour nous autres? Pour nous autres, ah, ça, l'histoire le dit pas. Il n'y a rien pas de tout, non. Voilà pour la chronique, c'est un fait Kinky Sexy Time Edition. Merci, Matt. Ça fait plaisir. Ça me fait littéralement plaisir. tu sais qu'aujourd'hui... T'as beaucoup de plaisir. Trop, trop de plaisir. Tu sais que David Ferron est d'habitude là le mardi à 8h30. Je lui avais promis que je lui jouerais sa pièce, mais là, si je la joue, on va dépasser. Fait que j'ai l'impression qu'on devrait peut-être finir l'émission ici à la place. Ah, écoute, on finit ça de même. On finit ça de même. Si ça ne plaît pas, il y a juste à revenir la semaine prochaine. Ben, c'est ça. On réglera ça avec Gustave. Gustave Lafenêtre, son némésis. Donc, on va se quitter dans quelques instants avec une pièce de Rodrigo y Gabriela. Et ça s'appelle A Newman. On va se quitter là-dessus dans quelques secondes. Le temps de vous dire que demain, à l'émission, on aura Angélie Durocher avec son index. Oui, exactement. On va recevoir aussi Jasmine Raymond-Lainville. Mm-hmm. On va parler de la GE-UQTR. Et on va terminer avec Maxime Bilodeau qui va nous parler de sucre. En fait, le sucre, le méchant sucre, à en croire certains individus consciencieux de notre santé, là, la surconsommation de cette douce substance serait responsable d'une foule de problèmes. Le plus connu étant évidemment l'obésité. Les plus extrêmes ou alarmistes vont même jusqu'à comparer le phénomène à celui de l'alcool ou de la cigarette. Mais qu'en est-il vraiment? Oui! Donc cette semaine, dans la chronique d'une foulée à l'autre, on va faire un bref mais néanmoins complexe tour d'horizon de la question et on va demander si oui ou non il y a bien lieu de grimper dans les rideaux face à ce phénomène. Donc c'est d'une foulée à l'autre à 8h30 demain. Ouais. OK. Il n'y a pas de l'air sûr. Pas de l'air convaincu du tout. Il met des bémols. Ouais. Du côté de la programmation de C'est fou, restez sur nos ondes parce qu'à partir de 11h, ce sera le dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, à 13h, c'est la version écourtée de rock classique avec Alain Lefebvre. À 16h, c'est le classique Melon Miel et Chou de Bruxelles. Et on termine la soirée avec réanimation et du métal et de l'horreur. On se retrouve demain à 7h et allez voir C'est fou.ca pour la programmation complète. Hein? Rock yes, on! Sir. Yes, sir. Yes, sir. Merci, Matt. Ça fait plaisir. Merci, François-Olivier. Passe une belle journée. Du moins, essaye. Je vais essayer. Je vais faire mon gros possible. Ah ouais. Je veux dire merci aussi à Maxime Tanguay. Merci à Michel Lebrun. Ouais. Puis à vous à la maison, les beaux petits requins. Et on rappelle le spectacle de François Desauniers qui va avoir lieu jeudi à la salle Louis-Philippe Poisson. Bloup, bloup. Bloup, bloup. ça me fait plaisir. Bloup, bloup. Rodrigo et Gabriela, bonne journée tout le monde. Bonne journée. Bye, bye. C'est pour David qu'on lui envoie ça. C'est une demande spéciale de sa part. Il est de même. Il est pas là, mais il s'impose quand même.